Salut, c'est Natsu de Fairy Tail. Moi, quand je dégomme pas un dragon, j'écoute Anime no Melody. Point d'acier du dragon de feu! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau animé nos mélodies. Au sommaire de ce 33e numéro, des justiciers au grand cœur au nom de Sab Rider, un hommage à Isao Takahata avec Omoide Polo Polo, et du psychisme et des nus en peinture avec Malicieuse Kiki. Sab Rider and the Star Sheriff est un space opéra similaire à la série Galaxy Rangers et Brave Star. La série de 52 épisodes a été créée aux États-Unis en 1987. Cet animé a été basé sur Star Musketeer Bismarck, Seijuchi Bismarck, une série d'animés japonaises créée par le studio Pierrot qui a obtenu un succès assez modéré au Japon. Les droits en langue anglaise de la série ont été achetés par World Events Production. La WIP, la même compagnie derrière la version anglaise de Voltron en 1986. WIP réorganisa et réécrit la série en intégrant les épisodes originaux et en créant 6 nouveaux après remontage avant de le sortir sous le nom de Sab Rider and the Star Sheriff, ou en France Sab Rider tout court. Voici le générique japonais de Seijuchi Bismarck. La musique américaine a été composée par l'excellent musicien Dal Shaker, dont je vous ai déjà parlé dans Anime No Melody 32, pour la série Denver, le dernier dinosaure. Encore une fois, c'est de son travail sur Sab Rider que nous avons parlé, puisque c'est la musique que nous avons connue en France. Mais dans un prochain Anime No Melody, nous reviendrons vers la musique japonaise composée par Osamu Totsuka. Écoutons tout de suite ce que cela vaut. Bonjour. Ce focus est dédié à Isao Takahata, décédé le 5 avril 2018 d'un cancer du poumon. Isao Takahata étudie à l'université de Tokyo où il obtient un diplôme en littérature française. Il entre directement à Toei Doga où il apprend la mise en scène pour les séries télévisuelles, dont un épisode de Ken l'enfant loup en 1964. Il a la chance d'entrer dans cette maison de production au moment où l'industrie commence à créer les premiers longs métrages d'animation. Il réalise son premier film pour le cinéma en 1968, Horus, Prince du Soleil. Ce film est la première réalisation indépendante de l'histoire de l'animation japonaise. Takahata en assure la mise en scène, suivent qui est La Petite Peste en 1981 et Goshu, le violoncelliste, en 1982. Ces deux films évoquent un sujet cher à Takahata et qui est récurrent dans toutes ses créations, l'abandon, l'enfance orpheline. En 1985, il fonde avec Hayao Miyazaki le studio Ghibli. Puis en 1988, le tombeau des Lucioles lui apporte la reconnaissance internationale. En 1991, il réalise Les Souvenirs ne s'oublient jamais, puis Pom Poko en 1994. En 1999, Mes voisins les Yamada connaît un beau succès à travers le monde. En 2003, il est le metteur en scène des aventures de Petit Panda, sorti en Europe en juillet 2004. Et en 2015, il a reçu l'officier de l'Ordre des Arts et de la Culture Française. Monsieur Isao Takahata s'est éteint à 82 ans. Merci Ryudoka pour ce focus consacré à Isao Takahata. Pour lui rendre hommage, j'ai décidé de diffuser un soundtrack d'une de ses œuvres, non pas la plus connue, qui est peut-être Le Tombeau des Lucioles, Otaru no Waka, mais Omoide Poro Poro, souvenir goutte à goutte, une de ses œuvres qui vous transporte immédiatement dans un état nostalgique et vous fait découvrir autrement le Japon. La musique de Omoide Poro Poro a été composée par Katsu Oshii, que vous avez déjà entendu pour les musiques du deuxième film de Urusei Yatsura, mais aussi Kie, La Petite Peste, un film aussi de Isao Takahata. Enfin, composer c'est pas totalement vrai. Il a composé en effet quelques thèmes, mais surtout réarrangé des chansons, musiques, ou des chansons anciennes en fait. Cet album fait la part belle aux nostalgiques japonais, et donc nous touchera moins qu'un japonais, mais c'est tellement beau à écouter. Nous terminerons cette écoute avec le ending « Love is a flower, you are the seed ». Si l'amour est une fleur, tu en es la graine, du film américain « The Rose », mais ici chanté en japonais et de toute beauté. On se retrouve juste après. nami o jab jab jab jab kaku akte jab jab jab kumo o sui sui sui sui yoi nuite sui sui sui hyotanjima wa doko e yuku bokura o nosete doko e yuku marui chiku no suikei sen ni Puaboy, kawaisona tulahinge. Puaboy, puaboy, uchi kara toku hanarete. Ore wa nanatsu no umi ni itta toki mo. そら一心をどうやってきたん今は氷炭島にやってきてこらやっぱしやっぱし働くかそんでなきゃまたどっかへ行くさね Puaboy, puaboy, kawaii so na tola hinge. Puaboy, puaboy, uchi kara toku hanarete. Thank you. しさを押し流す愛それは川魂を切り裂く愛それはナイフ止めどない乾きが愛だと言うけれど愛は花命の花君はその種くじけるの恐れて踊らない君の心冷めるの Bonheur, on y va. Malicieuse Kiki. Vous venez d'entendre le générique français de Malicieuse Kiki, Esper Mamie, chanté par Claude Lombard. Il s'agit d'un animé de 119 épisodes, tiré du manga de Fujiko Fujio et Hiroshi Fujimoto, très célèbres au Japon pour leurs personnages et manga culte Doraemon. Kiki est une jeune fille qui possède des pouvoirs de télépathie et de téléportation, qui lui permettent de capter les signaux de détresse des gens en difficulté. Avec l'aide de son ami Théo, notre héroïne utilise ses dons pour résoudre des problèmes souvent liés à la pression de la société. Merci à planetjeunesse.com pour le synopsis de cette série. Cette série donc a eu beaucoup de problèmes à sa première diffusion en France, dû au nu du personnage Kiki, qui pose pour de l'argent de poche pour son père, artiste peintre. Et oui, elle pose dans l'animé totalement nue, ce qui attira les foudres des parents d'élèves à l'époque, où déjà on pointait du doigt la qualité d'animation, mais surtout les scénarios des dessins animés, pouvant provoquer, à leur dire, des mœurs malsaines auprès des jeunes Français. Cela n'empêchera pas sa rediffusion, mais Malicieuse Kiki fut amplement coupée, censurée par la suite. La musique a été composée par Kohei Tanaka, dont j'ai déjà parlé dans Anime No Melody. C'est aussi donc par exemple le papa des musiques de One Piece. Les musiques de Malicieuse Kiki ne sont pas exceptionnelles, mais il est intéressant pour les nostalgiques de redécouvrir les musiques de la série, comme pour les autres qui apprécieront de jolis thèmes. On y va et on se retrouve pour la fin de l'émission.

Animé nos mélodies numéro 33, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette émission. Je remercie Ridoka pour son intervention dans le focus consacré à Isao Takahata. Et je remercie Arnaud Laurent qui est comédien aussi de doublage, puisque c'est aussi la voix de Natsu dans Fairy Tail, qui vous a fait cette introduction à Animé nos mélodies. Merci à toi Arnaud Laurent si tu écoutes cette émission. On se retrouve le mois prochain avec Conan, le fils du futur, Tales of Eternia, The Animation, et Urusei Yatsura, la mue donc, si je ne change pas d'avis entre temps. Et justement, on se quitte avec le ending de Urusei Yatsura, le premier, festif, au titre de Uchuwa Teihenda, qui peut se traduire par L'espace est super bizarre, chanté par Yuko Matsutani en 1981. Et n'oubliez pas que la musique d'animé, ce n'est vraiment pas que pour les Japonais.